ta ceinture. Bienvenue dans l'album. Ah, c'était RUP, rapport à un site facile de cartoucher. Ah, pas de qualité, Tristan l'a eu sans crime qu'on t'a pas louché. Galère, on connaît bien, c'est avec de la haine quand je pars me toucher. Mais j'ai gagné le thé, Brenda ou pour les streaming, j'ai pas touché. Y'a plus de cannabis, donc c'est près de la canne à pêche. On fume le cannabis, veut faire le tour de canne à pied. Consommateur égaré, t'inquiète, on débat la pêche. Pour l'instant, y'a la police, donc on détend la paire. Tu veux du sac ton cas, c'est de la rime de guerre. Matelas, sac, c'est gay, tu mets dans le coca. Pour mes 5 dollars, quoi tu rap de gay. Que tu as connard, le game dans le coma. Tu produis, y'a pas de sentiment trop. J'te parle de ma vie, négro, y'a des gens qui font pire. J'suis débutant, surclassé en pro. Avec les héros, éveillés comme deux gentils vampires. Alors j'arrive en Jerrycan, Jerrycan, j'mets le feu, j'vise mon hurricane. Vite est-ce qu'on fait lancer sur Riken. Tu régales, j'ai le mec dans l'ombrage, hurricane. C'est mérité, mérité, play. Hein? C'est mérité, mérité, play. Les problèmes viennent chez toi, même quand t'as rien commandé, mon frère. J'en fais pas trop, mon frère, je me dois de garder mon rôle. Le succès traite, merde, j'ai rien demandé, mon gros. Donc attends, je t'aide, gros, pour te surveiller, mon gros. Ah, y'a les wouah wouah wouah. Mais check les gars, wouah wouah wouah. Avec mon wouah wouah wouah. Rap game, bien sûr, je wouah wouah wouah. Aïe, si tu t'as pris pour le canapé ou. Faut saluer sur le bon coin. Appelle, on te garde la théo. En scout, j'ai mon terre. Problème dans le moteur. La police à mon terre. Tu veux niquer mon terre. J'ai fait tomber mon tel. Soleil, niquer la selle. Pourtant, je connais le fratel.